Le ministère coréen des Affaires étrangères a organisé un rendez-vous le 30 mars pour informer les représentants des missions diplomatiques et des institutions internationales en Corée de la situation dans la péninsule coréenne qui risque de voir éclater une guerre à cause des manœuvres militaires agressives et de l'opération spéciale des États-Unis et des fantoches sud-coréens. Le vice-ministre Shin Hong-chol a expliqué l'actuelle situation et l'attitude de principe de notre République. Il a dénoncé, avec les faits à l'appui, que les États-Unis et les fantoches sud-coréens livrent les exercices militaires de nature agressive avec de gros effectifs jamais connus et les biens stratégiques nucléaires de toutes sortes. Et dans ce cadre, les exercices de l'opération spéciale qui vise principalement l'opération d'élimination de la direction de l'État souverain et l'opération de frappe préventive pour supprimer les bases des armes nucléaires et des fusées. Il a condamné l'effronterie des États-Unis qui mettent en cause l'avertissement du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée face à l'opération spéciale et qui tentent de justifier leurs exercices. Il a affirmé que riposter par les frappes préventives est l'exercice tout naturel du droit à l'autodéfense du fait que les États-Unis ont déclaré d'éliminer notre direction suprême et nos bases stratégiques importantes par l'opération spéciale. Il a continué. L'actuelle situation de la péninsule coréenne où plane le danger de guerre à cause de l'aventure militaire des États-Unis montre clairement où est l'origine de tous les problèmes. Si une guerre éclate dans la péninsule coréenne, la responsabilité retombera entièrement aux États-Unis qui durcissent leur hostilité à notre égard et sont restés là, nous menacent d'une pléthore de biens stratégiques nucléaires et de moyens d'opération spéciale. Les représentants des missions diplomatiques et des institutions internationales ont témoigné de l'inquiétude profonde devant la grave situation et dit qu'ils ont bien compris l'essence de l'actuelle situation et l'attitude de principe de la République populaire démocratique de Corée.